Le directeur de la Tour Eiffel leur fait les honneurs de la Tour Eiffel. Il leur montre Paris à vol d'oiseau. Oh, j'ai le vertige. Le chasseur et le directeur apportent une longue table avec les assiettes peintes dessus. La nappe touche par terre. Le général s'écrie « à table !» et la noce se met à table. D'un seul côté de la table, pour être vu du public. La Tour Eiffel est un filet. Elle attrape toutes les dépêches du monde. Cette plateforme est très réputée pour sa friture. Menu. Petite dépêche de Portugal. Friture de dépêche. Dépêche chiffrée. Télégramme. Champagne. La Tour Eiffel est une bouteille de champagne. Le général se lève. Discours du général.